Des blocs de tombeaux du temps du Goguryeo sont fouillés dans la commune de Chundok de l'arrondissement de Pongsan de la province du Fang et du Nord de la Corée. Environ 30 tombeaux se trouvent en 4 rangs dans l'espace de 185 mètres carrés du coton, éloigné à environ 2 km au nord-est du chef-lieu de la commune. La plupart ont le diamètre de 10 mètres et la hauteur de 2 mètres. Le plus grand bloc de tombeau a le diamètre de 17 mètres et la hauteur de 2,4 mètres. La distance entre les tombeaux est de 10 à 20 mètres. Les tombeaux sont construits sur le sol. Couverts de la terre, ils ont une pièce ou deux pièces en pierre. On y a fouillé des os de l'homme et des chevaux, cuillères et décorations en bronze, clous de fer couverts des plaques d'argent, manches en tubes en fer, poterie grise, etc.